Je vous le disais en titre, le soulagement, l'invité de la matinale aujourd'hui sur Réunion Première était le maire de Saint-Denis. Il critique le manque de prévoyance pour le chantier de la nouvelle route du littoral et le retard annoncé ces derniers jours. L'absence de roches massives empêche en effet la construction de la digue. Pour l'instant, entre la possession et la grande chaloupe, il faudra attendre les éventuelles autorisations d'ouverture de carrière pour que ces travaux puissent démarrer. Gilbert Annette, le maire de Saint-Denis, qui est également conseiller régional d'opposition, estime que ce retard était prévisible. On l'écoute. J'avais deux grosses machines contre moi, même si on ne le dit pas, moi je le dis, l'ONF. Et Gilbert Annette, que nous allons entendre dans un instant, qui donc critique, en tant que conseiller régional d'opposition, le retard, selon lui, prévisible sur le chantier de la digue de la route du littoral. On ne fait que subir l'imprévoyance. Quand on fait un projet comme ça, avant de le lancer, on doit s'assurer qu'on a les matériaux pour pouvoir construire la route. Aujourd'hui, on a mis la charrue avant les bœufs, on a lancé le chantier sans s'assurer de l'approvisionnement des matériaux pour faire la route. Donc c'est une marque pour moi d'incompétence. Mais l'État peut encore jouer son rôle puisque le préfet, on le sait, il a la possibilité de décider que telle ou telle carrière devient d'utilité publique. Mais le préfet, c'est pas le roi, il peut pas décider ce qu'il veut. Il y a des règlements, il y a notamment la protection de l'environnement. Donc moi je laisse à ceux qui suivent ce dossier prendre leurs responsabilités. L'État peut, s'il considère que les risques ne sont pas énormes, il peut prendre cette décision, mais il ne doit pas faire n'importe quoi, parce qu'il ne faut pas que pour la route du littoral, on menace des parties de la Réunion. Gilbert Annette, invité de la matinale de Réunion Première, était au micro de Philippe Dornier. Et on entendait à l'instant Madame Denmont, soulagement pour la famille Denmont. Le restaurant Lance des Cascades à Sainte-Rose restera ouvert. C'est le tribunal administratif qui l'a décidé hier. Le juge des référés a débouté l'Office national des forêts de sa demande de refus de renouveler le bail accordé au restaurateur et donc de quitter les lieux au plus tard fin juin. Le tribunal a estimé que l'ONF n'avait pas d'arguments sérieux pour formuler une telle demande. Du coup, le restaurant familial va continuer ses activités pour le plus grand bonheur de ses habitués. Françoise Denmont, la gérante de Lance des Cascades, est interrogée au téléphone de Nadine Bachelot. J'avais deux grosses machines contre moi, même si on ne le dit pas. Moi, je le dis, l'ONF et la mairie. La justice a bien fait son travail. Elle a prouvé qu'un petit pot de terre pouvait se battre contre un gros pot de fer, deux gros pots de fer. Est-ce qu'on peut refaire un petit peu la genèse de ce restaurant? J'ai né en 65, officieusement. En 70, on a eu notre premier contrat. Mes parents, je parle, bien sûr. On a fait notre bonhomme de chemin, tout seul, sans l'aide de qui que ce soit. Comme maintenant, on continue. Ça fait deux générations quand même. Ben, on est fiers de notre parcours, hein. On parlait d'augmenter les loyers, faire une salle de conférence, etc. Mais il n'a jamais été question que je parte. Donc, 24 mai au 30 juin pour partir, c'était un peu limite et presque irréalisable. Ça a été un coup de massue, on ne s'attendait pas, mais alors pas du tout. Et vous aviez fait des travaux, d'énormes travaux dans cet établissement? Oui, oui, sur la demande de l'ONF de rénover, c'est écrit noir sur blanc, de rénover le restaurant, de refaire mes cuisines et tout. Il y a possibilité pour l'ONF de faire appel? Mais bien sûr, mais comme ils n'ont rien de mieux à proposer, j'ai confiance. Midi 7 sur Réunion Première, la suite du journal Antoine Garnier. La lutte contre les incivilités dans les transports en commun passe aussi par la prévention. Au collège Égésie Poirot à la rivière Saint-Louis ce matin, une simulation de situation qui dégénère était organisée dans un bus stationné pour l'occasion devant l'établissement. Deux classes de ce collège étaient mobilisées ainsi que les personnels du réseau Alternéo et la police municipale. Des médiateurs et le conseil local de prévention de la délinquance étaient là aussi. Quel est le quotidien des élèves qui prennent le bus chaque jour pour aller à l'école? Sophie Persson leur a posé la question. Des bousculades. Quand quelqu'un vole ta carte de bus, parce que des fois quand c'est dans la main, on ne sent pas et Y a trop de bousculades et y a trop de bruit aussi. Ben, c'est très très très bruyant des fois. Voilà, ça crie. Y a des bagarres des fois. Si, nana, elle peut bagarre. Ben, elle crie, elle est tard. Et après, mon tête fait mal, comme il y a mon cas, je m'ai obligé de prendre de l'Doliprane. C'est parfois calme, parfois mouvementé. Et t'as peur, du coup? Ouais, un peu. Et les dérangeants, et ben, parce que n'a pas réprouvé. Ben, il y a le bruit, et il y a des bagarres, ben, c'est violent. Des propos de collégiens recueillis ce matin à la rivière Saint-Louis par Sophie Persson. En bref, dans la grande région, un premier cas de Zika confirmé à Mayotte. Il ne s'agit pas d'un cas autochtone. La personne ayant contracté ce virus vient de séjourner dans la zone Antilles-Guyane où sévit la maladie. Elle a rapidement été prise en charge de l'agence régionale de santé Réunion Mayotte qui est depuis plusieurs semaines à pied d'œuvre pour éviter une arrivée du virus dans la zone océan Indien. À Mayotte également, 130 personnes sont toujours logées dans un hébergement d'urgence après avoir été chassées de leur logement par les habitants dans plusieurs communes. Le préfet de Mayotte a confirmé hier que ces familles de migrants chassées de leur case en juin par les habitants étaient toujours hébergées provisoirement dans un gîte au centre de l'île, accompagnées par la Croix-Rouge. Le préfet a confirmé l'arrivée de renforts de police et de gendarmerie et la création d'une antenne du GIGN pour lutter contre l'immigration clandestine dans l'île au parfum. Retour à la Réunion, on le savait, le Tampon est réputé pour être une commune fleurie et elle soigne particulièrement son environnement avec 4 pépinières disséminées. À différents endroits de son territoire, la ville produit la grande majorité des plantes qui servent à embellir les places publiques, les parcours touristiques, les parcours de santé et autres parterres. Avec la création d'une toute nouvelle pépinière de 2 hectares au 28e kilomètre sur le terrain de l'ex-APK, ce sont en tout 10 hectares qui sont désormais consacrés à la production végétale sur la commune du Tampon. Et au 28e, cet espace inauguré hier sera entièrement dédié aux plantes endémiques. Des changes écorces, temps rouge, fleurs jaunes, fleurs rouges, zambaville, qui ont une destination bien précise. Écoutez les précisions d'Olivier Voilequin, responsable des pépinières au Tampon. Il est au micro de Pierre Comorassami. On a une commune très étendue avec différentes strates. Ça part du 600 mètres d'altitude jusqu'à au volcan. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une palette végétale qui s'adapte effectivement au climat et aux altitudes. Donc c'est pour ça qu'on a disposé différentes pépinières aux différentes altitudes pour produire les plantes de l'altitude concernée. On a une palette végétale de 485 variétés sur l'ensemble de l'île et on essaye de les adapter en fonction de l'altitude et de la région où on se trouve également. Monsieur le maire a souhaité faire cette nouvelle pépinière pour avoir une pépinière d'un hectare actuellement pour faire que de la plante endémique. Pour les différents projets qu'il vous a expliqué tout à l'heure, notamment le parc du volcan, là, il y a la route mellifère également, et là pour avoir vraiment des plantes endémiques mais mellifères, donc qui servent pour les abeilles. À l'approche de l'éclipse annulaire qui aura lieu le 1er septembre et sera visible à La Réunion, on peut se poser la question, s'agit-il d'un événement scientifique ou d'une affaire de gros sous? C'est peut-être une affaire de gros sous pour les lunettes éclipse de protection qui ont été commandées pour l'occasion. Elles sont indispensables pour pouvoir observer cette éclipse en toute sécurité et peuvent rapporter au moins 1 million d'euros, un marché alléchant pour les fabricants spécialisés, d'autant que la prochaine éclipse ne sera visible qu'en 2200 à La Réunion. La concurrence est donc féroce, à tel point que la conformité des 400 000 lunettes commandées par la Mutualité de La Réunion a été remise en question par un fabricant européen. Pour Didier Rivière, directeur général de la Mutualité, les arguments sont infondés. Cette opération est née de la volonté commune donc de la Mutualité et du rectorat et de faire en sorte que ce soit la fête de l'éclipse. Et l'idée, c'était de permettre à tous les enfants, à tous les petits réunionnais d'observer ce phénomène en toute sécurité, sans avoir à débourser le moindre euro. L'importation de 400 000 lunettes sur l'île de La Réunion, c'est pas un événement qui passe inaperçu. Et nous avons donné tous les documents, toutes les attestations, etc., qui démontrent que ces produits sont totalement conformes et qu'ils ne présentent aucun danger, en particulier pour les enfants, pour observer l'éclipse. Mais il se trouve que la Mutualité a commandé ces lunettes aux États-Unis chez un fournisseur de grande notoriété qui fournit notamment l'Association astronomique française et qui a un autre fournisseur, c'est un fournisseur européen qui essaye de nous porter préjudice parce que malheureusement, c'est pas chez lui que nous avons effectué la commande. Des propos recueillis au micro Réunion Première d'Emmy Faconnier. Il est 12h12, on fait tout de suite un point sur l'actualité nationale et internationale avec France Info. Et d'abord la canicule qui s'étend, 37 départements en vigilance orange, du Nord au Lot, en passant par l'Île-de-France, la Saône-et-Loire, la Gironde ou encore les Landes. À Paris, on attend 38 degrés cet après-midi et un pic de pollution. Évitez donc, si vous le pouvez, de vous déplacer en voiture. Le satisfait site de Manuel Valls, ce matin, le Premier ministre assure que l'économie française est plus performante, que la baisse du chômage au mois de juillet annoncée hier soir va dans le bon sens. Les secouristes italiens à la recherche d'éventuels survivants dans les décombres plus de 24 heures après le séisme. Ce tremblement de terre qui a frappé le centre du pays hier, le dernier bilan de la protection civile italienne fait état de 247 morts et de plusieurs centaines de blessés. Vous êtes bien sur Réunion Première. Avant de passer la main à Ingrid et Philippe Dornier qui sont là, je vous rappelle que Culture Première, le magazine culturel de la rédaction, c'est désormais le jeudi. Rendez-vous ce soir à partir de 18h15. Jean-Paul Mélade recevra Mike Colléo du Théâtre du Grand Marché, Aldo Jean-Jacques de la salle Vladimir Canter et le musicien Jim Fortuny. Rendez-vous à 18h15 sur Réunion Première Radio. Mais tout de suite, on accueille Ingrid et Philippe. Bonjour. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. Bonjour et Antoine. Et les journées mondiales, il y en a toute l'année. Demain, ce sera celle du chien. On en parle dès ce midi, Philippe, avec les invités de C'est dans l'actu. Oui, Antoine, parce que le meilleur ami de l'homme mérite bien qu'on vous donne la parole pendant une demi-heure. Les chiens sont-ils bien traités à La Réunion, globalement? Un responsable associatif nous donnera son avis, mais aussi un vétérinaire et un maître chien qui tient aussi une pension animale. Vous aussi, dites ce que vous en pensez au 02 62 99 2000. Des nouvelles du temps. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Cet après-midi, le temps devient plus gris et plus menaçant. Des averses se produiront localement. Toutes les régions montagneuses seront concernées et ces pluies seront parfois soutenues pour la saison. Le temps restera sec en bord de mer, même s'il risque de pleuvoir un petit peu. Entre Saint-Denis et Saint-Paul, le vent reste faible et la mer est généralement peu agitée, excepté entre Saint-Joseph et Sainte-Rose, où elle est un peu plus agitée au déferlement d'une petite houle d'Alizé. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première. Lundi au vendredi sur les étals des marchés de notre île, avec vous. Et la fraîcheur. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Réunion Première, c'est la radio pays. Bonjour La Réunion. L'information locale dès 5h et tout au long de la journée. Des invités à votre écoute. Réunion Première avec vous, sur la route, à la maison ou au travail. Gros trafic, attention. Y a grand matin dès 5h, la colle Jacques à 8h et vos experts. Tout ce que nous rencontrons comme problème. Le débat de la mi-journée, le bon tempo l'après-midi, le magazine de la rédaction et Claudio dans la case à 19h. Notre tradition, notre culture, notre quotidien. Bienvenue sur Réunion Première, la radio pays. Beauté réunionnais, réunionnaise, Talanila, encore une fois, l'Office du tourisme de Rodrigue lui donne à votre rendez-vous le 25 août, pont de mer Saint-Pierre, de 10h à 20h, le 26 août, 10h à 20h, au marché de Saint-Paul, et le 27, de 13h à 16h, la salle de fête du 12e kilomètre, le Tampon. Bien nombreux, découvrez notre culture et notre cuisine locale, animation assurée par Ban Rodrigue, y compris au Bergade. Première. Midi 6 sur Réunion Première. Le chien est-il vraiment le meilleur ami de l'homme? Question posée par Philippe Dornier à ses invités. Ce midi, c'est dans l'actu. Quand un chien est découvert mourant sur une plage avec des tumeurs qui peuvent faire penser qu'il a été battu, les passions se déchaînent, surtout que deux versions s'opposent, celle des personnes qui ont porté secours à celui qu'ils ont baptisé Papy, et la version de son propriétaire déclaré. Lui affirme que Mojo, le nom qu'il a donné à ce pauvre animal, était vieux et malade, s'est échappé de la maison en bord de mer, et Mojo étant aveugle, eh bien il se serait noyé dans l'océan. Quelle que soit la vérité, cette histoire qui remonte à la semaine dernière illustre bien combien les chiens peuvent entraîner des tensions entre les hommes. Les premiers sont pourtant considérés comme d'excellents compagnons pour les seconds, à condition évidemment d'être bien traités, bien soignés. On en parle ce midi à l'occasion de la journée mondiale du chien, prévue demain. Faut-il stériliser systématiquement son animal de compagnie? Qui alerter en cas de violence constatée? Adopter un chien, quelles conséquences dans la vie d'une famille? C'est dans l'actu sur Réunion Première. Et avec nous, trois invités ce midi, pardon. Éric Cozo, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'association RPA, Réunion Protection Animale. Le docteur Alain Konsuntak, bonjour. Vous êtes bonjour. Vétérinaire. Et puis David Erich, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître chien et gérant de la pension Anime Hôtel. Nos auditeurs peuvent nous appeler au 02 62 99 2000. Ils peuvent intervenir aussi par SMS au 06 92 70 2000. Attention, c'est un nouveau numéro de téléphone. Je le signale parce que certains nous envoient encore des textos sur l'ancien numéro de téléphone. Il faut donc faire le 06 92 70 2000 désormais. Et puis, il y a les réseaux sociaux, bien entendu. La page Facebook, c'est dans l'actu, et le hashtag CDLA première pour Twitter. Entre cette histoire de Papy Mojo, on ne sait plus très bien comment l'appeler, et puis la date du 26 août, donc demain, hein, cette journée dédiée aux chiens au niveau mondial, ça fait deux bonnes raisons d'évoquer ici la condition animale. Éric Cozo, c'est votre association qui a recueilli ce chien, devenu célèbre malgré lui, après sa noyade. Comment ça s'est passé au juste, d'après vous ? Alors, bonjour à tous les auditeurs. Pour exactement ouvrir une parenthèse pour Papy, pour le cas de Papy, comme ce n'est pas moi qui m'occupe des sauvetages et des adoptions chez RPA, puisque c'est la présidente qui s'occupe essentiellement de ça, mon rôle à moi, c'est uniquement les cas de maltraitance. Nous partageons les tâches avec ma femme, qui est la présidente. Mais puisque vous me posez la question, je vais ouvrir une parenthèse sur le cas de Papy, sans porter de jugement, pour vous montrer la problématique de l'errance animale. C'est quoi la problématique alors ? Alors, ce jour-là, notre bénévole promenait sur la plage de la baie de Saint-Paul. C'est une chance qu'elle était là, puisque les pêcheurs venaient de sortir Papy de l'eau. Ce sont des pêcheurs qui ont sorti le chien de l'eau. D'accord. Voilà, qui était en train de se noyer. Spontanément, elle a appelé la présidente de RPA et a amené Papy immédiatement à la clinique vétérinaire de Saint-Paul. De là, premier problème que nous rencontrons, c'est que le chien n'est pas pucé et n'a ni de tatouage. Donc il n'était pas identifié au sens propre. Ce qui veut dire aux yeux de la loi qu'il n'a pas de propriétaire. Voilà. Alors on sait qu'à La Réunion, il y a beaucoup de gens qui ont des chiens sans qu'ils soient identifiés. Ça, c'est quelque chose que vous rencontrez régulièrement, Alain Konsuntak, pardon. oui, bien sûr, il y a énormément de chiens qui ne sont pas identifiés. Bon, c'est un tort, parce que là, dans le cas précis de Papy ou Mojo, c'est vrai que ça aurait pu permettre de contacter rapidement les gens qui en ont la garde, afin de savoir quelle était la marche à suivre. Alors, comment on fait quand on adopte un animal ? On reviendra sur les conséquences de l'adoption, mais pour pucer cet animal ? En fait, normalement, la loi prévoit qu'il est obligatoire de pucer ou de tatouer, d'identifier un animal avant sa cession. Donc de toute façon, lorsque vous allez acquérir un chien, en principe, il devrait déjà être identifié. D'accord. Les chiens que vous prenez dans votre pension, David Erich, ils sont tous identifiés forcément. Est-ce que c'est une condition pour pouvoir être hébergé chez vous ? Non, c'est pas la condition principale, c'est qu'ils soient tous vaccinés. Ça, c'est très important. Après la vaccination, l'identification, normalement, comme disait Alain, c'est une obligation. Maintenant, moi, je peux pas les obliger à les pucer ou à les tatouer. Donc, il m'arrive d'avoir des chiens, moi, qui ne sont pas identifiés. D'accord. Alors, pour revenir sur l'histoire de Papy ou Mojo, Éric Cozo, donc ce chien est retrouvé sur la plage. Voilà, je voulais dire aussi que quand, par rapport à la puce, quand un propriétaire ne fait pas pucer son chien, il peut se prendre 750 € d'amende. C'est puni par la loi. Il faut le savoir. D'accord. Donc ce chien, nous le récupérons, nous l'amenons au vétérinaire, et après un premier diagnostic de Papy par le vétérinaire, ce dernier nous avait dit qu'il serait préférable d'abréger ses souffrances. Le vétérinaire qui évalue l'âge de Papy Entre 8 et 10 ans, il évalue l'âge de Papy, mais c'est surtout que Papy est en très mauvais état, avec des tumeurs, et il a pris comme un coup, comme si on y a mis un coup de pelle. Voyez, sur la tête. Donc, par rapport à son état, il nous dit qu'il serait préférable de l'euthanasier. Et là, ma femme, elle dit non. On va tout faire pour, justement, sauver Papy. D'accord. Donc, D'accord, alors parce qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux, il y a eu des tensions très, très vives hein, autour de ça, qui ont dit, on nous reproche, les propriétaires en tout cas, on leur reprocherait d'avoir maintenu en vie ce chien, finalement vous faites la même chose. En gros on va vous dire, c'est pas une question, moi je suis pas là pour juger s'il y a un propriétaire, s'il y en a pas, juste nous on fait un constat. Le constat est, c'est que ce chien n'est pas tatoué, on essaye de le sauver. Et on a quelqu'un qui se manifeste et qui dit qu'il est le propriétaire et qui nous explique que papy a 20 ans, qu'il a eu du n'importe quoi. Alors, qui s'appellerait Mojo, pour le voilà, coup. Le propriétaire. Voilà, il s'appelait Mojo, il a 20 ans, il a sauvé d'un cyclone. C'est une très belle histoire, c'est bien. Mais sauf que nous, le vétérinaire, comme on a une information que ce chien a entre 8 et 10 ans, on dit à ce soi-disant propriétaire, mais je le rappelle, pour nous, c'est pas le propriétaire, ce chien n'est pas identifié. On dit que papy est à la clinique de Saint-Paul, que nous, il a entre 8 et 10 ans, donc lui, il dit qu'il a 20 ans, et que bon, normalement, c'est pas son chien, mais que si, éventuellement, c'était son chien, et si on retrouve le propriétaire qui se manifeste, il faudrait payer la facture du vétérinaire. Parce que papy, si on arrive à le sauver, ça va être aux alentours de 1200, 1300 euros. Oui, ça. Avec ça. Les traitements. Ouais. Et on y reviendra après sur le coût. Hein. Et là, nous, le lendemain, on a eu un message de ce fameux monsieur qui nous dit « Bonjour, bonne chance à papy ». Et de là, nous, on n'a eu personne. Alors, ça a fait tout. C'est-à-dire que le propriétaire disparaît dès lors qu'il faut payer. C'est ça que vous nous dites. Je ne sais pas s'il disparaît dès qu'il faut payer, parce qu'il faut mettre la main à la poche. Mais toujours est-il qu'il n'y a aucun propriétaire qui s'est manifesté vis-à-vis du vétérinaire pour aller voir son chien. Moi, si c'est mon chien qui n'est pas pucé et qu'il est chez le vétérinaire, je vais me manifester pour prendre de ses nouvelles. Et il n'y a personne à la clinique qui nous a informé qu'il y a quelqu'un qui est venu. Donc voilà, donc c'est une triste histoire tout ça. Hein. Un propriétaire qui réfute les accusations de mauvais traitement, mais etc. Est-ce qu'on peut se tromper, docteur Konsuntak, sur à partir de symptômes que présenterait le chien? Alors, lorsque nous on reçoit un animal, de toute façon, alors moi je ne travaille pas à la clinique de Saint-Paul, hein, mais lorsque nous on reçoit un animal, pour être clair, c'est pas vous qui avez diagnostiqué papy ou Mojo. Mais si vous voulez, on possède un examen clinique et on fait un inventaire des lésions, des problèmes, des symptômes qu'on constate à ce moment-là. Après, concernant leur origine, on peut tout imaginer, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont parfois très claires. Et parfois beaucoup moins clair. Donc là, vraisemblablement, moi je ne connais pas ce cas. S'il a été repêché et qu'il y avait des tumeurs, c'est que le vétérinaire a constaté qu'il y avait des tumeurs. Ensuite, ça, ce n'est pas l'objet, enfin, ce n'est pas la conséquence de mauvais traitements, par exemple, les tumeurs. Par contre, déjà, le fait que l'animal soit divagant, soit errant, ça, par contre, c'est de la responsabilité des propriétaires. Mmh, d'accord. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cette histoire, David Erich? Vous êtes évidemment très attaché à la cause animale. C'est un chien de plus, on va dire, malheureusement. Et comme vous aviez posé la question au départ, donc le chien, oui, est le meilleur ami de l'homme. Maintenant, on peut poser la question en sens inverse. Est-ce que l'homme est le meilleur ami du chien? Ça, j'en doute fort, vu les cas ici à La Réunion, mais même en métropole. Hein, c'est partout pareil. Moi, je travaille beaucoup avec les associations. Donc à partir de ce moment-là, je recueille aussi beaucoup de chiens de sauvetage qui sont plus ou moins en mauvais état. Et après, avec le vétérinaire, on fait les soins qu'il faut. Mais c'est un puissant fond. C'est un puissant fond, ouais, tout puissant à fait. Fond. Est-ce qu'on peut évaluer le nombre de chiens errants à La Réunion? Aux dernières infos, c'est à peu près 160 000. Maintenant, il y a les chiens 160 000 errants. Ouais, maintenant, il y a les chiens errants et les chiens semi-errants. C'est-à-dire ceux qui ont, entre guillemets, un propriétaire, qu'il soit identifié ou pas, et qui nourrit tous les jours le chien, mais qui le laisse dehors. Mmh. Donc il y a ce problème-là aussi. Ça, c'est quelque chose que vous rencontrez régulièrement, Eric Cozo, avec votre association Réunion Protection Animale? En fait, comme c'est ma femme qui s'occupe des adoptions et des sauvetages, oui, on rencontre beaucoup des gens qui nous appellent, qui a des chiens devant chez eux, avant que les voisins appellent la fourrière si on peut le sauver, des femelles qui ont qui ont accouché, qui ont mis bas avec 8 bébés au bord de la route. Donc, bien sûr, nous, ce qu'on fait, ben, on vient, on prend le chien, on l'amène au vétérinaire, on y fait faire tous les soins qu'il faut. Après, on essaie de les faire adopter. La plupart de nos adoptions, 90% de nos adoptions chez RPA partent en France. D'accord. Voilà. Et comment vous faites financièrement? Parce que ça a un coût, tout ça, évidemment. Ben, en fait, c'est vrai... j'attire les pouvoirs publics parce que nous, on aimerait bien avoir des subventions. On a monté des dossiers, mais c'est très long, puisque notre association est quand même assez jeune. Et le coût, l'association RPA vit uniquement de dons. Ça veut dire que les gens, pour adhérer, c'est 25 euros par an. Les gens peuvent donner plus. Et après, les gens nous donnent des couvertures, des médicaments, des croquettes. Vous avez un refuge? Non, on n'a pas de refuge, on travaille avec des familles d'accueil. C'est ce qu'il nous faut. Je lance une alerte, nous avons besoin, plus on a de familles d'accueil, plus on arrive à sauver de chiens. Pour vous trouver, comment faire? Vous avez un site internet? Alors on a une page RPA qu'on a créée. Une page Facebook? Ouais, une page Facebook qu'on a créée depuis 3 mois. Vous pouvez voir, il y a presque 39 000 likes, c'est énorme, on a explosé en 3 mois. L'association existe depuis février 2016, d'accord. Donc c'est une jeune association. Avant, il faut savoir qu'on le faisait avec mon épouse, 3-4 ans avant, on le faisait à titre de bénévole sans association, et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui auraient voulu donner des dons, mais comme on n'était pas une association, ils étaient assez restreints, donc on a préféré ouvrir une association et se partager les tâches. Et donc nous avons besoin de familles d'accueil, et après nous avons besoin aussi, la deuxième problématique, de voyageurs. Donc c'est de savoir, quand quelqu'un voyage, David vous le dira, c'est avoir le billet d'avion. Alors c'est pris en charge, la totalité est prise en charge par notre association. On vient à Gilo, on passe le chien au système de sécurité, on paye le surplus du billet d'avion, et le voyageur a, à ce juste titre, quand il arrive à Paris, il a juste à prendre le chien, et quand il sort, il y a quelqu'un qui l'attend, et puis voilà, et puis on a sauvé un chien. Voilà. Donc plus on a de familles d'accueil, plus on a de voyageurs, et plus on arrivera à sauver de chiens à La Réunion. Mais comme vous disiez, David, c'est un puits sans fond, on en sauve 10, il y en a 1000. Donc, le chien est-il vraiment le meilleur ami de l'homme? C'est dans l'actu ce midi sur Réunion Première. Et on poursuit le débat au 02 62 99 2000 ou au 06 92 608 335. Vous pouvez évidemment nous envoyer vos textos comme d'habitude. Il y a beaucoup de problèmes que rencontre le chien de façon générale. Il y a par exemple l'absence de vaccination. Comment ça se passe, les vaccinations? C'est quoi les vaccins obligatoires? Vous qui êtes vétérinaire, Alain Konsuntak. Alors, si vous voulez, selon la loi, il n'y a rien de réellement obligatoire. Mais lorsqu'on tient à son animal, on essaie de le protéger au mieux, comme ses enfants ou comme toute chose à laquelle on tient, de toute manière. Donc, la vaccination, c'est quelque chose de bien pour ça, tout simplement. Ça protège l'animal, c'est indéniable. Donc, du coup, moi, je ne saurais que conseiller de le faire. Hein, voilà. Mais quel vaccin, précisément? Alors, on vaccine, traditionnellement, on vaccine à La Réunion contre la maladie de Carré, l'hépatite de Rubart, la leptospirose, la parvovirose et de temps en temps le parainfluenza. Voilà. D'accord. Ce sont des vaccins qui ont un certain coût? Alors, ce sont des vaccins qui ont un coût, oui, c'est sûr. Voilà. Après, il faut compter combien si on veut que son animal soit bien protégé? Alors, en fait, si vous voulez, les tarifs, les honoraires sont libres. Hein. On n'est pas une profession réglementée à ce titre. Néanmoins, ça tourne, je dirais, entre 40 et 50 euros selon les endroits de l'île, quoi. Voilà, l'injection vaccinale. D'accord. Alors, on parlait avec vous, David Erich, de votre pension à Animotel. Est-ce que le vaccin, c'est mieux pour vous que les animaux soient vaccinés? Pour moi, dans tous les cas, c'est une obligation. C'est une obligation. Donc, un chien qui rentre à la pension non vacciné. Que d'accord. Que ça soit un chien d'un particulier ou un chien d'association. Donc, ce n'est pas le cas pour le puçage, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pas forcément d'identification formelle. Mais les vaccins obligatoires, vous demandez un carnet, c'est ça? Il y a le carnet de vaccination. À partir du moment où le chien rentre à la pension, il a son carnet de vaccination. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut se passer si ce n'est pas le cas? Il peut être contagieux, donc il peut avoir n'importe quelle maladie que ça soit transmissible ou pas à l'homme. Mais c'est une protection pour nous aussi. Vous hébergez combien de chiens, moi, de façon générale? J'ai une autorisation de 9 chiens, en général. Et donc maintenant, quand j'ai des places disponibles, je mets à disposition pour les associations, puisque justement, ils sont en manque de familles d'accueil. D'accord. Vous êtes situé de quel côté? Moi, je suis à Salazie. À Salazie. Donc, au Grand Air. Donc, rien de mieux pour rétablir tout ce qui est chien errant et malade. Et en général, au bout d'un mois, ils repartent, on va dire, resociabilisés, et puis en bonne santé, prêts pour une bonne adoption. Oui, parce que c'est ça aussi le problème des chiens, la socialisation. Tout à fait, ils étaient dans la rue, donc ils sont un petit peu soit agressifs ou en tout cas réticents à l'homme, pour certains. Pas de règles. Pas de règles, voilà. Donc il faut redonner les codes, puisqu'ils ont des codes, il faut leur redonner leurs codes entre eux, et ça fait partie aussi de mon travail. Pour justement qu'il soit adopté dans une famille où il n'y ait pas de problème, que ce soit avec les enfants, les chats ou les congénères. D'accord. C'est quoi les codes, justement, les principaux codes? C'est que chacun, on ne va pas manger dans toutes les gamelles si on est à plusieurs. Si on va prendre un exemple, j'ai un parc de 5 chiens, chacun a sa place pour manger. Il se peut qu'un des chiens errants a envie d'aller se promener et d'aller manger dans toutes les gamelles, ce qui ne se fait pas. Voilà, c'est une des règles. Et puis après, on va dire que ça se fait aussi entre eux. Alors, sur l'alimentation aussi, c'est un souci, évidemment, pour qu'un chien soit en bonne santé. Il faut qu'il ait une bonne alimentation. Mmh. Eric Cozo, comment vous faites pour pouvoir nourrir tous les chiens que vous recueillez? En fait, avec RPA, nous avons fait avec le monde des animaux à Saint-Denis deux opérations croquettes avec la marque Proplan, pour ne pas la citer. Et en fait, à chaque sac acheté, notre association a bénéficié d'un sac. Donc nous avons fait à peu près deux fois 800 kilos, voire une tonne de sacs. Il faut savoir que ces sacs servent pour toutes nos familles d'accueil, puisque quand on est famille d'accueil, on ne paye pas les croquettes, c'est fourni par notre association. Et après, nous avons chacun dans nos véhicules, parce que nous aimons les animaux, un sac de croquettes pour nourrir. On ne va pas dire qu'on nourrit tous les chiens errants, parce que ça serait impossible, il y en a trop. Mais si je me gare à un endroit que je vois un pauvre chien en train de crever la peau sur les os, déjà j'appelle ma femme pour voir si on peut le sauver, et puis si on est plein, je lui donne à manger, et puis voilà, et puis c'est notre quotidien de tous les jours. On va aller au standard 02 62 99 2000, c'est de Saint-Joseph que nous appelle Charlie. Bonjour Charlie. Oui, bonjour tout le monde sur le plateau, oui. Bienvenue sur Réunion Première, on vous écoute. Oui, voilà. Je voulais poser une question à monsieur le vétérinaire. Pourquoi de nos jours, le tarif pour un chien, quelle que soit la blessure, la maladie qu'il a, comment c'est fait pour pratiquer ces prix-là quand on voit des prix aussi chers que ça de nos jours chez un vétérinaire, pour avoir des cachets, un traitement, une purge, et on n'a pas les mêmes prix partout. Est-ce que c'est un prix tarifaire réglementé par l'État ou sinon chacun a son prix C'est quoi le prix qu'on vous a donné, vous, Charlie? Par exemple, je suis monté à Saint-Paul, c'est la seule place qu'on peut faire un scanner sur un chien. C'est selon le poids, mon chien avait une tumeur, et après j'étais obligé de faire prendre la décision de l'abattre. C'était un bout de l'œuf français. Bah, ça m'a coûté 650 euros pour faire un scanner. Ah oui, quand même. Ouais. Quand même. Après, ensuite, pour pouvoir laisser le chien chez mon veto à Saint-Jean, pour pas le citer, je dirais pas lesquels, il y en a plusieurs. Le laisser là-bas pour qu'il envoie à l'écarissage, mettre une pique là-dessus, ça m'a coûté 250 euros. D'accord. Oui. Je demande à avoir des tarifs, voir si c'est réglementé, comme chez le notaire, par exemple, chez un docteur, à avoir des tarifs machin spécifiques que l'État met en place, mais personne n'arrive à me dire. Donc, c'est rendu un business sur les chiens, sur les croquettes, sur les associations. Quand je vois en métropole, par exemple, l'association qui avait un compte offshore de 13 millions pour récupérer des sous avec les gens, des dons qui... vous avez vu ça dans la presse il y a 15 jours de là. Moi, je trouve qu'il y a de l'abus. Ouais, alors j'avoue que j'ai pas vu ça. Donc là, on extrapole évidemment. Enfin, je dis pas que ça existe pas, mais on va rester sur l'association qui est avec nous, Smilly, et puis répondre à cette question. Charlie, merci de l'avoir posée. Donc 900 euros au total pour faire ses soins et puis aboutir malheureusement au décès de ce chien. Qu'est-ce que vous répondez sur les tarifs? Alors, les tarifs ne sont pas réglementés. Donc de toute façon, c'est la loi de l'offre et la demande. S'il y a de la concurrence, ça a tendance à baisser, et inversement, c'est malheureusement effectivement un produit comme un autre. Mais si vous voulez, de toute façon, sur le site de l'Ordre des vétérinaires, l'Ordre national, vous avez quand même un ordre d'idées, parce qu'il y a, un tarif conseillé, quand même, hein, qui est... bon, après, forcément, Outre-mer, c'est un petit peu plus cher avec les problèmes d'acheminement et autres pour les médicaments. Mais en tout cas, concernant l'acte, il y a un tarif conseillé. Ça peut servir de base, si vous voulez. Mais bon, après, c'est sûr que c'est variable. Mais comme toute entreprise, si vous voulez, il y a des charges. Bon, bah, le loyer est plus cher à Saint-Paul que, je sais pas, à Saint-Joseph. Donc, ce sera peut-être plus cher à Saint-Paul qu'à Saint-Joseph. Voilà. Est-ce que vous aviez demandé le prix avant, Charlie? Vous êtes Charlie? Oui, donc, j'ai demandé plus ou moins une base, mais ça a dépassé de plus de 30% à chaque fois. Hein. Ah, d'accord. Donc, on vous a donné un prix et le prix final était supérieur. Voilà, est-ce que c'est possible, ça, docteur? Alors, c'est possible, mais enfin, en principe, on donne un devis. Et si on dépasse ou si on sent que ça va dépasser, on doit demander l'accord au propriétaire. Si la personne est d'accord, on le fait. Si elle n'est pas d'accord, on ne le fait pas. Enfin, je veux dire, vous restez maître de votre animal, hein, Charlie. Non, je suis d'accord, mais bon, moi, avec le chagrin que j'ai avec les gamins et tout pour le chien, je monte à Saint-Paul. On m'annonce un prix. Arrivé là-bas, le soir, je laisse une journée, je monte chez Saint-Denis, je fais mes affaires. Je récupère le chien le soir à 17h. On m'annonce 30% plus cher. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas gueuler, je paye. Ben, je vous encourage pas à le faire, mais vous auriez pu. Moi, j'étais en peine déjà. Je lui ai dit, comme ça, je lui ai dit 30% en plus déjà. Voilà, j'ai lancé une pique comme ça. Mais j'ai pas rentré dans les débats. J'ai payé. J'ai dit, ben, c'est pour ça que j'ai dit, je vais attendre un jour, poser la question. Là, l'émission s'est bien tombée. Mm-hmm. Tout le monde, je crois que il y a beaucoup d'éleveurs de chiens à La Réunion. Ils sortent de Saint-Jean, ils partent dans les Hauts de je ne sais où pour amener chez le vétérinaire parce que ça coûte moins cher. Donc maintenant, je suis au courant que les prix sont libres comme les artisans. Ah, et il y a quand même un tarif, une base. Là, je suis d'accord. Oui. C'est bien. Alors après, moi, je tiens à préciser que généralement, on met pas quand même. On a tendance à oublier le coût des soins humains. Et très souvent, même si je prétends pas que les vétérinaires font un travail, je dirais aussi technique que la médecine humaine. Malgré tout, très souvent pour les mêmes examens ou pour les mêmes soins, quand on met en rapport les choses, c'est pas si élevé en réalité. Ouais, moi je voulais pas oser faire la comparaison, mais moi je pensais que soigner un chien coûtait plus cher qu'un. C'est vrai qu'il y a les aides de l'État, de la caisse. Eh bien, regardez la facture la prochaine fois que vous sortez de l'hôpital, même si vous la payez pas, regardez-la. Je sais, docteur. Non, je voulais plaisanter un petit peu là-dessus. C'est un peu bouchon, mais c'est vrai. Non, vous avez raison. Au moins, maintenant, je suis rassuré. Merci Charlie pour votre intervention. Je voudrais avoir votre avis aussi à vous, David Erich. Vous avez recours souvent aux vétérinaires. Le prix, ça peut être un problème? Ça peut être un problème, tout à fait. Moi, j'ai des particuliers qui préfèrent, éviter. Mais comment ils font alors? Ils viennent pas chez moi. Ouais. Donc en général, dans tous les cas, ils sont obligés. C'est comme a dit Alain, ça fait partie de la loi. C'est vacciné, identifié, c'est une obligation. Donc à partir de ce moment-là, moi, je vois les chiens de sauvetage que j'ai. Je travaille aussi avec donc RPA et Alain, et tous les chiens passent avant d'arriver à la maison par le vétérinaire. Les chiens de sauvetage, c'est-à-dire? Les chiens donc errants, ceux qui sont retrouvés donc soit par des particuliers, d'accord, soit pris en charge par les associations, et ils passent forcément par le vétérinaire. Alors il y a un autre problème, c'est le manque d'activité, l'ennui de certains chiens. On adopte un chien et puis au fil du temps, les enfants s'en occupent plus. Et voilà, comment on fait pour que ce problème ne survienne pas? Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où on décide de prendre un chien, c'est minimum 10 ans, qu'on ne prend pas un chien comme ça à la légère juste pour faire plaisir aux petits-enfants à Noël parce que ça ressemble à une peluche. mais seulement la peluche, au bout d'un an, c'est un gros gabarit, donc ça devient un gros chien. C'est imposant, ça mange beaucoup, ça défraie. Et voilà, il faut prendre en compte tout ça. Et comment sensibiliser les gens à cette question, un chien qui s'ennuie Un chien qui s'ennuie, peut-être qu'il s'amuse pas avec la famille. Il suffit pas non plus d'avoir juste un jardin ou une cour. Le chien, ça lui suffit pas. Il a besoin de sortir. Il a besoin de voir autre chose. Il a besoin de compagnie. Il a besoin de participer. Pour moi, le chien fait partie de la famille. Et il a besoin de sortir aussi, comme la famille. Il a besoin de sortir, bien sûr. Il a besoin de voir autre chose, que ce soit pour lui-même, son comportement, et vis-à-vis des autres aussi. C'est un problème que vous rencontrez souvent avec les gens qui viennent vous voir, Eric Cozot ? Mais nous, c'est pour ça d'ailleurs que dans toutes nos adoptions, on a fixé un prix. Pour adopter un chiot chez nous, c'est aux alentours de 150 euros. C'est passé chez le vétérinaire avec un contrôle de toutes les maladies, pucées, vaccinées. Et pour un adulte, 200 euros, avec ou castré. On fait ça exprès pour, en fin de compte, les gens qui... C'est vrai que les temps sont durs de nos jours quand on n'a pas beaucoup d'argent. Ben, il faut savoir qu'un chien, ça va coûter de l'argent. Et quand il faut l'amener chez le vétérinaire, comme j'ai entendu ce monsieur dire payer 650 euros et a sorti encore 250 euros, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à nous. Si vous avez un chien qui est blessé chez vous et que vous le laissez, que vous l'amenez pas au vétérinaire, c'est pas bien. Le chien, il souffre. Vous vous en rendez pas compte, mais c'est pas bien. Donc, il faut savoir que pour un chien, il faut avoir quand même un petit budget et ça fait partie aussi de la famille. Je voulais rajouter aussi que un chien, quand il est chaud, ça a besoin d'attention, mais ça fait beaucoup de bêtises. Donc ça mange les chaises, ça mange des chaussures, ça mange des chaussettes, ça fait des trous dans le jardin. Mais c'est comme ça, jusqu'à un an et demi, il peut faire des bêtises. Même si on l'éduque, parce que ça aussi, oui, ça s'apprend. Mais oui, mais même en l'éduquant, il a envie de jouer. Là, si vous le sortez pas assez, il va faire des trous. Et c'est là que la maltraitance peut commencer, si les gens ne sont pas sensibles. C'est là que la maltraitance... le plus souvent arrive, parce que moi qui fais que des cas de maltraitance, je pourrais en parler jusqu'à demain matin, donc l'émission, on n'aurait pas assez de 30 minutes. Si je vous dis ce que je vois, c'est à tomber par terre. Mais, par exemple Je vois des chiens, des gens qui ont une belle cour ou un beau jardin, avec un chien attaché, avec une laisse d'un mètre en plein soleil, sans eau. Et pas de collier. Ça veut dire que la chaîne qui l'attache, elle est autour du cou. Ça peut couper le cou. Oui, alors déjà ça, quand j'arrive, je parle avec ces gens-là. Et la chance que nous avons à La Réunion, c'est que le Réunionnais... Parce que 99% des cas que je fais, ce sont des Réunionnais. Mais il y a des oreilles aussi qui font ça. Il faut pas... En France, il y en a énormément. Hein. Mais la chance que nous avons à La Réunion, c'est que, un, le Réunionnais est très gentil. Donc moi, j'y vais... Ma mission, j'y vais un ami, je vais l'informer. Et le deuxième cas, c'est qu'il est croyant. Donc, quand je lui parle de l'Arche de Noé, automatiquement, les chiens sont libérés. Je peux vous dire, c'est du bonheur. Hein. Les chiens sont libérés, on met de l'eau dans les gamelles. Je trouve des chiots dans des cages à oiseaux. Quand vous arrivez chez des gens, au lieu d'avoir un oiseau dedans, il y a un chien. Mais c'est pas possible. Il tient dedans. Mais il devient fou, le chien. Ouais. Il faut pas faire ça. Alors je disais, juste avant qu'on commence l'émission, pour moi qui fais des cas de maltraitance, maintenant quand je vois les chiens errants, maigres comme un clou, mais ils sont heureux. Ces chiens-là sont plus... Ils sont en liberté. Oui, ils sont en liberté, ils sont heureux, même s'ils crèvent de faim, ils sont plus heureux que des gens qui ont des chiens dans des cages ou enfermés. Donc je voulais juste préciser, pour ne pas monopoliser la parole, c'est que les gens qui sont témoins... de ces actes-là par leurs voisins ou en passant dans la rue, ils voyaient un chien attaché, un chien dans une cage, ils sont aussi coupables que les gens qui font ça. Il ne faut pas garder le silence, il faut dénoncer et on va parler avec ces gens-là et on les informe, on leur montre comment faire, on les aide et voilà, et puis on fait un heureux, deux heureux, trois heureux. Alors il y a Georges qui nous a appelé, mais qui ne souhaite pas passer à l'antenne, mais qui nous dit ceci, si les tarifs étaient réglementés, moins chers, peut-être que les gens pourraient aller davantage chez le vétérinaire. Il prend l'exemple d'une pipette anti-puce qui coûte 100 euros. Là, il ne faut plus qu'il aille là où il a acheté cette pipette à 100 euros. C'est une arnaque. Je pense. Mais comment vous expliquez ça, que ça puisse être proposé à ce prix-là, par exemple? Ça doit être une erreur, peut-être un... Ça coûte combien, normalement, qu'on sache? Une pipette, ça dépend du format du chien, je dirais. Hein. Mais bon, c'est vrai que forcément, à La Réunion, ça coûte plus cher, parce que bon, il y a l'octroi de mer, etc. Je ne vais pas vous réexpliquer tout le problème. En gros, c'est entre 5 et 20 euros, en fonction du poids du chien. On arrive à la fin de cette émission. J'aimerais quand même très rapidement que vous nous parliez de la stérilisation des chiens. Est-ce qu'il faut généraliser la stérilisation ? Alors, c'est encouragé ici, dans le contexte donc réunionnais, puisqu'il y a beaucoup d'errance animale. Alors, il y a des campagnes faites par les communes, par les communautés de communes, quand même, avec qui tous les vétérinaires travaillent par le biais d'une association qui s'appelle le GEVEC. Donc, c'est des campagnes qui font que les gens qui sont pas imposables, notamment, la plupart du temps, c'est sous condition de ressources, puissent stériliser leur animal à très moindre frais, voire gratuitement à certains endroits de l'île. Donc, c'est franchement encouragé. Il y a des dispositifs qui existent, effectivement. Bien sûr, mais les gens les utilisent pas forcément, soit par méconnaissance, consciemment aussi, malheureusement. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de la condition du chien à l'occasion de la Journée mondiale du chien. Je rappelle que ce sera demain. Éric Cozo, vice-président de l'association Réunion Protection Animale, le docteur Alain Consuntac, vétérinaire, et puis David Erich, maître chien et gérant de la pension Animotel du côté de Salazy. C'est dans l'actu revient lundi. Demain, comme tous les vendredis désormais, ce sera la rediffusion du magazine Dans les coulisses, avec cette semaine une immersion parmi les planteurs, les chauffeurs de cachalots, les salariés de l'usine de Bois-Rouge, et oui, puisque Réunion Première vous emmène dans les coulisses de la campagne sucrière. Ce sera donc demain, après le journal de midi. Côté réunionnais, réunionnaise, Talanila, encore une fois, l'Office du tourisme de Rodrigue lui donne à votre rendez-vous le 25 août, pont de mer Saint-Pierre, de 10h à 20h, le 26 août, 10h à 20h, au marché de Saint-Paul, et le 27, de 13h à 16h, la salle de fête du 12e kilomètre, le Tampon. Bien nombreux, découvrez notre culture et notre cuisine locale, animation assurée par Ban Rodrigue, y compris au Bergade. Première. Et à 12h49 sur la première, je vous laisse en compagnie d'Ingrid. Bon après-midi. Merci Philippe, bon après-midi à vous également et à lundi. Dans quelques instants, ce sera le retour de l'information en France et à l'étranger avec la rédaction de France Info. Et puis juste après ce bulletin d'information, eh bien le bulletin météo. Mais tout ça, ce sera juste après Lynn Emportée. Now up now, no, never give up, my brother man. I think it's so cute, and I think it's so sweet, how you let your friends encourage you to try and talk to me. But let me stop you there, oh, before you speak. Is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. No, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. No, no, no. First you gonna say you ain't running game, thinking I believe in every word. Call me beautiful, so original, telling me I'm not. No, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. No, no, no. My name is no. Thank you in advance, I don't wanna dance, nope. I don't need your hands all over me, no, no. If I want a man, then I'ma get a man. But it's never my priority, hey. I was in my zone before you came along. Don't want you to take this personal. Blah, blah, blah, I be like nah, ta-da, ta-da, no, no, no. All my ladies, listen all my up ladies. If that boy ain't giving, ain't up, giving up, lick your lips, hey, and swing, hey, your hips. Let's girl, go. All you gotta say is my name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. C'était Megan Trainor sur Réunion Première. No! L'affaire Louise Trio, ce n'est pas que Chic Planète ou encore Tout, mais pas ça, c'est aussi ça. Mobilis in mobile sur Réunion Première. Très bon après-midi. Quand les vérités sont trop lasses, pour douter du temps qui passe, d'autres ont déjà pris leur place, alors elles s'effacent. Dans le journal, il vaut mieux tourner la page, partir en voyage. J'irai voir en tôt ou tard si les sirènes existent. Sur le dos des baleines, je suivrai leur piste, car nul ne résiste au charme doux de leur chant d'amour. Tôt ou tard, si les sirènes insistent, sous les flots qui m'entraînent, je suivrai leur piste, car nul ne résiste au charme doux de leur chant d'amour. Mobilis, in mobile, mobilis. Vous écoutez Réunion Première, il est 13h, voici le journal de France Info. À Saint-Rémy-de-Maurienne, tuant ses deux occupants. En aucun cas, il n'aurait dû survoler des maisons, s'emporte Christian Rochette, le maire de la commune, que nous entendrons dans quelques minutes. Enfin, nous serons en direct avec Benjamin Illy, quelque part dans Paris. Notre reporter a aujourd'hui pour mission de trouver des endroits frais pour échapper à la canicule. Ça ne va pas être facile. Paris, où il fera au moins 37 degrés cet après-midi. Toute l'Île-de-France reste en vigilance orange à la canicule. 37 départements en tout, des Landes au nord, en passant par la Saône-et-Loire. France Info, Virginie Lebrun. En Italie, les prochaines heures seront sans doute décisives pour les survivants du séisme d'hier. Il reste de nombreuses personnes portées disparues. Des dizaines de secouristes continuent sans relâche les fouilles dans les décombres. Cette nuit, une fillette a été sortie vivante des gravats de sa maison à Pescara del Tronto. Elle y avait passé 17 heures. Un miracle qui est malheureusement loin d'être une généralité, Xavier Sartre. Toute la nuit, les secours ont poursuivi leur recherche pour tenter de retrouver des survivants, mais malheureusement, ce sont plus souvent des corps sans vie qui sont extraits des ruines, des maisons et des immeubles. Le bilan est loin d'être définitif et il va falloir encore fouiller au moins toute la journée. La ville la plus touchée reste Amatrice, où le maire a annoncé il y a un peu plus d'une heure qu'il y avait déjà plus de 200 morts rien que dans sa commune. À Pescara del Tronto,